Nasturiano, Da Blast MC. Pour la tape histoire de MC. De quoi tu te plains? De quoi tu te plains toi, que ce week-end y'a pas de plan cul. Regarde en l'équateur, ça fait longtemps qu'y a pas d'écu. Mon encoule en guise de larmes, trop de choses m'ont déçu. Que ce soit en Asie, Afrique ou Amérique du Sud. Là-bas, les enfants de la guerre ont les mains pleines de sang. Pas plus de 11 ans, moi à 23 je me plains du prix de l'essence. Mais putain, je crois qu'on se rend pas compte de notre chance. Notre chance celle de vivre dans un pays comme la France. Au lycée tu fais le con et tu te plains d'être collé. Au Sénégal j'ai vu le nom qui rêve d'être écolier. Le ventre des enfants gonflés par la malnutrition comme des cons. On se plaint, on a tout eu depuis nourrisson. Avec les poteaux de la justice, en mal on parle souvent. Pourtant la loi pénale n'ampute pas comme au Soudan. Mais t'as vu ici, on ne voit que ce qu'il y a autour. Et tout ce qui se passe là-bas, on y pense peu et c'est un tort. La vida no es un película, qui tenemos todo por allá no hay nada. De quoi tu te plains toi, regarde ton bonheur dans la glace. On est conscient d'être chanceux, écoute l'Asturiano ta place. La vida no es un película, qui tenemos todo por allá no hay nada. De quoi tu te plains toi, regarde ton bonheur dans la glace. On est conscient d'être chanceux, écoute l'Asturiano ta place. Eh, de quoi tu te plains mec, d'être toujours celui qui raque. Ok ici les képi crack, mais c'est mieux que les G.I. d'Irak. Je te dis direct, en France on a le seum, on aime pas les skins. Ça se tape à Gare du Nord, le vrai combat est en Palestine. Tu te plains qu'en bas c'est la de mer. Va voir Ciudad Bolivar, à Bogota ils tuent les jeunes. Ça c'est pas des balivernes, t'aimes pas l'hiver. Car à la baraque y'a le froid qui rentre. Mets-toi à la place d'un SDF à New York par moins 40. Tu pleures ton ex, t'es triste, mais c'était juste une amie. Imagine combien ont perdu leur famille lors du tsunami. Tu craques Cartago à ses règles, une semaine sans s'exciter. Sais-tu qu'il existe des femmes en Afrique qui sont excisées? Tu t'énerves contre ta banque pour 10 euros de frais bancaires. Les Argentins ont tout perdu pour de l'agroalimentaire. Dans le monde entier, des innocents passent leur vie en zombie. Pendant ce temps, nous on se plaint et on se regarde le nombril. La vida no es un película, qui tenemos todo por allá no hay nada. De quoi tu te plains toi, regarde ton bonheur dans la glace. On est conscient d'être chanceux, écoute l'Asturiano ta place. La vida no es un película, qui tenemos todo por allá no hay nada. De quoi tu te plains toi, regarde ton bonheur dans la glace. On est conscient d'être chanceux, écoute l'Asturiano ta place. De quoi tu te plains petit, regarde ce gamin au Kosovo. Une jambe, et toi tu gueules quand t'as pas ce que tu veux. La guerre, il l'a pas souhaité, toi l'envie dans les jeux. Tu poses des mines, les mêmes lui ont enlevé la beuge. En France on casse tout pour se faire entendre et faire parler de nos villes. En Argentine c'était pour manger, c'est casser des vitrines. Des démarches menées par des pères de famille pour lutter contre la famine. À la casa remplir les ventres vides, je vois cette femme triste, 45 ans et quelques rides. D'autres n'en connaissent même pas le mot car la vie est trop rude. En 2007 encore, trop de pays sur la corde raide. Ça va de l'Est du Japon jusqu'à la cordillère des Andes. Hier comme tous les ans j'ai croisé des gens se plaignant. N'oubliez pas que certains se lavent ou tu t'amuses en te baignant. Ici on ne voit pas plus loin que nos putains de régions. Et tout ce qui se passe là-bas s'efface de nos têtes étrangement. La vida no es un película, qui tenemos todo por allá no hay nada. De quoi tu te plains toi, regarde ton bonheur dans la glace. On est conscient d'être chanceux, écoute l'Asturiano ta place. La vida no es un película, qui tenemos todo por allá no hay nada. De quoi tu te plains toi, regarde ton bonheur dans la glace. On est conscient d'être chanceux, écoute l'Asturiano ta place. La vida no es un película, qui tenemos todo por allá no hay nada. De quoi tu te plains toi, regarde ton bonheur dans la glace. On est conscient d'être chanceux, écoute l'Asturiano ta place. La vida no es un película, qui tenemos todo por allá no hay nada. De quoi tu te plains toi, regarde ton bonheur dans la glace. On est conscient d'être chanceux, écoute l'Asturiano ta place.